princesse Sita aime le prince Rama. Mais le méchant Ravana ne les aime pas. Il tend un piège dans les bois et enlève Sita. Mais le dieu singe le voit et entame le combat. Prévenu, le prince Rama envoie Garuda. L'homme aigle avec le singe roi vont sauver Sita. Et c'est sur l'île de Bali, en Indonésie, que les forces du bien et du mal s'affrontent, s'attaquent. À travers un chant, un esprit, une harmonie, une danse, un conte musical, c'est le ketchup. Chaka, chaka, chaka, chaka.